avec une méthodologie très occidentale et très analytique. Bravo. Bravo pour cet exercice et cette performance. Et maintenant, c'est Monsieur Mac Simia. Voilà. Consultateur de Key Partners, cabinet de conseil en stratégie et management. Son intervention s'intitule « De l'usage des concepts de France Arjunienne dans la pratique managériale ». C'est bien ça. Voilà. Merci pour cette introduction. Ce que je voudrais dire, c'est que lors de la création de KEA en 2001, nous avons cherché à affirmer sur notre marché une position nouvelle. En effet, il nous a semblé qu'entre le conseil en stratégie et le conseil en management, il y avait un antre à combler, et on a répondu à cette question en nous positionnant sur le marché de la transformation, un segment de marché que nous avons créé. On a tenté de distinguer la transformation justement du changement. La transformation est un processus pour nous qui va bien au-delà d'une somme de changements. Là où le changement est le passage d'un point A à un point B, la transformation pour nous était un processus imperceptible dont on prend conscience seulement a posteriori. Là où le changement se fait dans un horizon de temps déterminé, la transformation s'inscrit dans la durée. Et c'est complexe de vendre de la durée à nos clients. Dans un processus permanent, sans début ni fin. Là où le changement agit sur une composante ciblée et déterminée, la transformation tente d'opérer sur l'ensemble des composantes de l'entreprise, prise comme un système global. La démarche de transformation prend en compte toute la complexité du champ de force dans lequel évolue l'entreprise et lui apporte une plus grande finesse d'action. Le travail sur la culture, qui est clé aujourd'hui pour nous, sur les processus, indispensables évidemment, sur la structure, mais aussi sur le management. De cette conviction, avec les associés fondateurs, est né notre positionnement. KEA accompagne les entreprises dans leur transformation. Nous sortions d'un cycle qui a marqué notre métier durant 15-20 ans, le « change management ». Ce positionnement s'est inscrit par ailleurs dans un processus de maturation de notre métier qui a été amorcé par Jean-Christian Fauvet, fondateur de la sociodynamique dans les années 70. Comparable à la thermodynamique qui maîtrise le mouvement par la chaleur, cette discipline cherche à développer le mouvement par les hommes, le mouvement, le développement de l'entreprise par les hommes. C'est-à-dire l'énergie des collaborateurs, pour reprendre un terme de Jean-Christian Fauvet, du corps social. Il s'agit de créer les conditions pour que ceux-ci agissent d'eux-mêmes et deviennent automoteurs dans le processus de transformation. C'est la finalité de ce que nous appelons chez nous la transformation socio-dynamique. Nous avons un parti pris fort. Dans la pratique de notre métier, la transformation s'opère par les hommes, avec les hommes et pour les hommes. La culture occidentale est pauvre pour penser la transformation, que ce soit dans son lexique ou dans les métaphores qu'elle nous propose. Or, la Chine a pensé la transformation il y a plus de 4000, 5000 ans, en tout cas à travers son livre référent qui est le I Ching, dans lequel on a quelques repères et une richesse métaphorique et poétique considérable. Il nous fallait donc, à ce sujet, rencontrer François Julien. Dans le monde du conseil, la pratique du métier est fondée sur le fonctionnement séquentiel, bien révélé par François, modélisation, passage à l'action. Puissant, mais souvent consommateur d'énergie, de beaucoup d'énergie. Il correspond au couple qui a été révélé par François Julien, je simplifie ici, culte du héros, culte du modèle, qui est en arrière-plan, je dirais, de toute la pratique de nos entreprises. La mise en évidence des écarts de pensée entre l'Occident et la Chine nous a permis de conscientiser nos pratiques. D'abord de nous distancier et de nous enrichir des apports de la pensée chinoise sur l'art de la transformation, sans chercher à faire de synthèse, si appréciée dans notre formation intellectuelle, ni prendre parti, mais en cherchant justement les fécondités qui pouvaient naître de ces différences. Il y a une beauté dans le mot fécondité. Nous avons fait émerger de nouveaux concepts, un nouveau champ lexical, et les mots participent à la transformation silencieuse du monde. Une nouvelle approche des transformations et un style. Il ne s'agit ici ni d'exalter l'un ou l'autre, il s'agit plutôt de tirer parti des fécondités, d'autant que Kea, dans les gènes de Kea, il y a la volonté de nous enraciner dans la culture européenne, puisque Kea est une île grecque. Ces apports sont aujourd'hui introduits dans la pratique professionnelle de nos consultants, silencieusement aussi, et nous les diffusons au sein des entreprises dans lesquelles nous intervenons. Pour faire écho au dernier ouvrage sublime de François, « Cinq concepts proposés à la psychanalyse », je vais tenter ici d'aborder cinq notions que nous tentons de développer dans les pratiques managériales. L'entre-deux. En quoi l'entre-deux peut être fécond dans nos métiers? Qu'est-ce qu'il est capable de faire émerger comme champ d'innovation? La transformation silencieuse, invendable. Y a-t-il un marché, la transformation silencieuse? Le Wu-Wei. Le rapport entre volonté et ténacité, quel usage peut faire de ces notions? En créant Kea, on avait comme intention stratégique d'aider les managers et les dirigeants à faire aboutir leurs initiatives stratégiques. Comment allons-nous réussir à faire aboutir? Par quel ressort? Et donc, à demander à travailler avec François sur, je dirais, cette notion de volonté qui me paraissait toute évidente, mais qui, par le travail, s'est avéré effectivement moins simple, je dirais, à appréhender. Et un dernier point, un jeu qui a été un fil, je dirais, conducteur de toute ma pratique professionnelle, le jeu de Go. Au fond, c'est par ce détour que je fais rentrer mes clients dans la pensée de François Julien. Première notion, donc, l'entre-deux. Tout le monde l'a dit ici, pendant ce colloque, oui, François Julien a une méthode. Cette méthode est celle de l'analyse des écarts entre la pensée occidentale et la pensée chinoise, mais bien évidemment, on peut faire ce type de démarche sur bien d'autres points d'application. En travaillant les écarts, ils nous situent dans un lieu où ne nous sommes plus contraints d'une position. Prendre position, on est souvent interpellé là-dessus, et c'est toutes les interpellations politiques auxquelles il est l'objet. Nous sommes au contraire dans un champ de possibles. François nous incite à passer d'une pensée de la différence à une pensée de l'écart. C'est difficile comme exercice. Parce que nous n'avons pas installé dans notre logiciel mental cette idée de l'entre-deux. Quand on pense à partir de la différence, on renforce les problématiques identitaires. La différence est le maître outil des typologies et des nomenclatures. Nous sommes structurés par cette façon de regarder le monde et nous renforçons ainsi les typologies, les segmentations, les fragmentations. Nous renforçons l'identité au détriment de l'existence. Il nous invite à produire de l'existence à travers ses différents ouvrages sur la stratégie du vivre. La pensée de l'écart, elle ouvre un espace, nous dit-il, de réflexivité. Pour nous, la réflexivité, c'est de l'énergie, puisque, effectivement, notre intention sociodynamique, c'est de donner de l'énergie aux organisations, et elles en ont bien besoin en ce moment. L'écart, nous dit-il, procède de la distance, là où la différence distingue les choses. Cette distance ouverte par l'écart permet un dévisagement, c'est si beau, de revenir au visage, puisque il y a une menace sur le visage, puisque le visage est en train d'être substitué, l'un d'entre nous l'a vu hier, par l'image. La pensée de l'écart donc ouvre cet espace de réflexivité, c'est un champ d'énergie, elle procède donc par la distance. Cette distance ouverte permet un dévisagement, et ce mot est important parce qu'on est dans l'incarnation, on est dans la vie. L'ange ne se fait pas remarquer. Il est silencieux, implicite, et ainsi vit un mot ambigu. La pensée occidentale n'aime pas l'ambigu. La pensée occidentale n'a pas su s'en préoccuper. C'est une situation d'instabilité dont il faut sortir au plus vite et à tout prix. La Chine, elle, a développé cette intelligibilité de l'antre. Des mutations, en fait. Il y a une intelligence de la mutation. Pourtant, les processus de transformation sont traversés par l'antre et donc on devait se doter d'un corpus, d'un lexique, de méthodologie, d'un savoir pour penser cet antre, parce que c'est là où tout peut se détruire dans les situations de transformation des entreprises. Or, penser à partir de l'antre nous oblige à un travail de transformation de notre regard, de notre façon de lire. Nous apprenons un regard complémentaire sur notre transformation. Pour nos consultants, ces apports ouvrent des perspectives pour poser nos regards sur l'accompagnement des entreprises. De même que François Julien passe par la Chine pour redécouvrir la pensée grecque, de même il nous faut retrouver ou redécouvrir nos entreprises en nous appuyant sur, au-delà du diagnostic, sur des méthodes d'écart. De réfléchir, eh bien ça c'est effectivement l'intention que nous avons dans l'école de conseil que nous développons ici chez CAIR. Cette méthode d'analyse par l'écart a également été une véritable inspiration pour enrichir nos pratiques. Elle nous a donné matière pour ouvrir de nouvelles pistes sur la façon de nous positionner. Elle nous a entraîné à penser l'écart sans penser l'opposition. Et du fait de ce mode de raisonnement, nous avons été poussés par l'innovation. Penser dans l'antre, c'est un champ possible d'innovation pour nous, qui est au cœur de notre projet entrepreneurial. Exemple opérationnel, pratique, dans une intervention. Les marques de luxe ont pris conscience de l'importance de voir incarner leurs attributs identitaires, la valeur de la marque, leur image, dans la relation vivante avec leurs clients, à travers des conseillers de vente. Bête comme situation. Et pourtant là, il y a une énorme destruction de valeur entre les investissements publicitaires qui sont faits et la rencontre, le contact entre le consommateur qui rentre dans un point de vente et les conseillères de beauté. Deux fonctions de l'entreprise sont concernées par cet enjeu. Deux fonctions de l'entreprise a priori très distantes l'une de l'autre. Les RH, les responsables des ressources humaines, et le marketing, porteur et véhicule de l'image de la marque. La fonction des ressources humaines, elle, est le reflet même du dedans de l'entreprise, avec ses sujets de management, de culture et de pratique. La fonction marketing est intrinsèquement ouverte sur le dehors, sur le marché et l'image de marque. Il y avait là un antre à combler, et notre rôle de consultant, c'est de poser les passerelles. Nous avons fait émerger une idée, un concept, la signature relationnelle. On n'est pas dans le territoire de la marque, mais on est dans un nouveau territoire qui est que se passe-t-il entre justement une entreprise qui, à travers un corps social qui est en contact avec le consommateur, a une homogénéité de style. On voit bien des homogénéités de style naturelles qui s'installent dans des enseignes ou dans des entreprises de luxe. Champ de tension fécond entre les problématiques de management portées par les RH et les problématiques marketing qui s'arrêtait à la relation avec le consommateur par le véhicule de la communication publicitaire. La décision d'achat d'un produit de luxe se fait pour l'essentiel dans le point de vente et 80% de l'investissement, s'il n'est pas suivi et accompagné, effectivement, il y a de la perte là-dessus. Donc on est sur un sujet de business commercial tout à fait concret. Donc nous avons fait émerger cela et nous avons travaillé sur la mise en œuvre, je dirais, l'incarnation d'éléments, je dirais, identitaires de la marque dans la relation avec le... Nous avons mis en place ces démarches sur... Alors, on est sur deux territoires, un territoire de la stratégie, c'est-à-dire silencieusement, au fond, les parts de marché de cet industriel ont augmenté, sans augmentation, je dirais, de ses investissements publicitaires, et en même temps, par capillarité, par mimétisme, nous avons réélaboré le référentiel, l'actif immatériel qui s'était constitué à travers, par itération, à travers des personnalités emblématiques qui portaient ce savoir-faire, savoir-faire jamais objectivé, savoir-faire connivant dans la vie de l'entreprise, pour pouvoir à la fois élaborer un dispositif pour conscientiser l'entreprise sur cet enjeu, verbaliser les valeurs qui étaient sous-jacentes, identifier les personnalités emblématiques qui savaient le faire et animer ce processus par des démarches à la fois, je dirais, d'identification et par des processus d'animation à travers la relation. Deuxième champ d'application pour nous, dans lequel l'idée d'entre deux est intéressante et dans lequel il y a un champ de tension et de réflexion. Les entreprises aujourd'hui sont plus jamais que conscientes que leur culture, la culture, est un actif immatériel qui peut devenir stratégique, pour reprendre le dernier ouvrage d'un de mes amis associés qui est là et qui est justement créateur de richesses. D'où leur préoccupation croissante pour cet actif immatériel. Donc comment faire évoluer, comment transformer une culture ? Voilà un enjeu aujourd'hui stratégique pour la vie des entreprises et leur développement, tant pour fidéliser leurs collaborateurs que pour créer de nouvelles richesses. Nous avons emprunté à nos amis suédois une méthodologie définie comme Cultural Transformation Tool, outil de transformation culturelle, avec trois dimensions dans l'approche. Analyse des cas entre les valeurs du corps social, avec un référentiel de valeurs, une technique qui a été mise en œuvre, celle de l'entreprise, et les valeurs désirées, mise sous tension, révélation, objectivation, ne serait-ce que le fait de prépositionner ce type d'étude, déjà le travail se fait naturellement. Et il y a bien évidemment des dispositifs et des dynamiques de transformation à mettre en œuvre là-dessus. Je ne vais pas développer tout ce champ, mais c'est des perspectives qui sont ouvertes à travers, je dirais, ces champs dits de l'entre-deux. Deuxième point d'application, cette idée si nouvelle, si fertile, si poétique aussi. En fait, j'ai été surpris de voir l'adhésion, un peu comme s'il y avait un vide à combler, autour de l'idée de transformation silencieuse. Nos réflexions avec François nous ont conduit à penser des transformations sans effet sonore. C'est le sonore qui est valorisé dans nos interventions, bien évidemment. Et là, il fallait s'inspirer d'un autre champ sémantique. Où peut-on identifier du silencieux ? C'est tenter de s'inspirer de processus de transformation par capillarité, induction, infusion. On a même utilisé le terme d'infusion pour transformer une entreprise. Le président d'une entreprise industrielle, un ingénieur, l'utilise avec maintenant beaucoup de naturel, ou encore l'idée de catalysation. Il y a encore beaucoup à dire sur la catalysation, comment donner de la valeur à quelque chose qui est de l'ordre de la catalysation d'entreprise. Et il y a des catalysateurs dans l'entreprise. On ne sait pas, je dirais, les mettre en valeur. Donc il y a un champ sémantique à ouvrir, un champ analytique, un champ de travail. J'aimerais bien qu'on élabore le dictionnaire des transformations silencieuses, d'inventer, de restaurer un langage autour de ça. À l'image du processus de vieillissement, nous pouvons faire le constat que toutes les entreprises, bien évidemment, comme chacun d'entre nous, nous sommes traversés par les transformations silencieuses. Mais comment passer de ces transformations silencieuses subies à des transformations silencieuses voulues? Là, la notion de volonté est importante. Quels sont donc les bienfaits d'une transformation silencieuse versus, je dirais, les transformations sonores qui agitent notre monde, puisque le monde est saturé de bruit? On ne peut plus aller quelque part sans qu'il y ait du bruit. Un client évoquait avec nous tout récemment les bienfaits de la transformation silencieuse. Il nous disait, en commençant ce projet, c'était ça, son groupe qui lui demandait justement de... Il avait tout un dispositif, je dirais, à déployer dans son entreprise pour transformer, et il n'y croyait pas vraiment. En commençant ce projet, je craignais que nous faisions de la langue de bois. Je souhaitais à tout prix éviter les déclarations d'intention, les discours qui ne sont pas suivis des faits et qui entraînent de plus en plus la suspicion de nos collaborateurs. Tout le monde se dit que si un projet est annoncé avec tambour et trompette, beaucoup de bruit donc, il y a de fortes chances pour qu'il accouche d'une souris. Il poursuivait en affirmant « Le principe de transformation silencieuse, tiens, c'est peut-être une idée nouvelle, nous permet de montrer autrement des résultats, des effets concrets de notre travail. » Entendre un client parler ainsi de transformation silencieuse nous réassure sur l'audace de l'utilisation d'une telle formule. Et de rassurer aussi nos consultants qui nous disent « Mais comment donc commercialiser, avoir un discours des transformations silencieuses ?» C'est difficile. Ça n'est pas dans notre champ. Accepter la transformation silencieuse était un premier défi. Le mode d'agir silencieux est en effet une remise en cause des démarches traditionnelles. Réunions de lancement solennelles, kits de communication, efforts de mobilisation, création de moments forts. Tout le registre du mode projet est fondé sur la communication sonore. C'est comme ça qu'on crée, de la mise en scène, de la théâtralisation. Or, la transformation ne se décrète pas. Nous en avons fait l'expérience lorsque nous avons dû apprendre, là aussi, la coopération à une entreprise et son partenaire et son prestataire. De multiples réunions de cadrage, de déclarations d'intention entre les managers avaient eu lieu. Tout avait échoué. Les équipes ne travaillaient pas mieux ensemble. Chose toute simple, par capillarité, par proximité, par connivence, nous avons installé le dispositif de Vimavie. Vimavie, voilà une façon de créer de la connivence, c'est-à-dire des vacations croisées. Chacun allait passer une heure à deux heures avec son partenaire à son poste. Il n'y a pas eu de grandes annonces. Ça s'est fait tout simplement. On est passé de la pensée de l'acte à celle d'un processus. Processus par capillarité, par induction. On passe de l'un à l'autre pour penser entre l'un et l'autre. Donc, François Julien nous propose une pensée qui est justement entre l'un et l'autre. Il nous sort des radicalisations. Et après quelques vacations de ce style, la coopération va s'être organisée naturellement, silencieusement, sans effet de mise en scène. L'une et l'autre des équipes ont mieux compris les contraintes et les enjeux réciproques. Ils ont commencé à organiser des briefs communs pour préparer leur journée de travail et mieux travailler ensemble au service de leurs clients communs. Et ce, silencieusement, sans passer au fond par l'énergie de l'institution. Donc là, pour nous, s'ouvre tout un champ lexical à créer, à partir de la transformation silencieuse. Utiliser un mot plutôt qu'un autre, en jouant sur tout son champ de signification, signifiant ou signifié, j'ai oublié mes points de repère en linguistique, et en exploitant l'imaginaire qui lui est rattaché, peut-être extrêmement puissant. Par exemple, lorsque nos clients nous questionnent sur le partage de leur vision, alors, vision, c'est important pour nous. Donc, l'entreprise se donne une vision, une capacité de se projeter et d'embarquer ses équipes dans un dessin commun. On a utilisé cette image, justement, de l'infusion, mais au fond, le mot infusion, il a émergé comment? Parce qu'il y avait en amont transformation silencieuse. Sinon, il ne pouvait pas y avoir ce concept, cette formulation. L'infusion est donc c'est quoi l'infusion? Donc il fallait la définir à des ingénieurs dans l'aéronautique. L'infusion est le procédé qui permet de faire migrer des principes actifs d'un végétal dans l'eau. Mission simple. Il faut être simple en entreprise, hein, sinon on ne comprend pas. L'infusion est issue d'une source unique qui distille son essence dans le temps. Pour qu'elle puisse avoir lieu, il faut au préalable chauffer l'eau. Alors ça veut dire quoi chauffer l'eau? Par analogie, il faut créer de l'émotion, de la connivence. Et une relation interpersonnelle avec le corps social. Pour le partage de la vision, permettre de faire migrer les messages clés de l'institution vers le corps social. Le partage de la vision, dans une culture mécaniste, ne se fait pas justement par ce véhicule. Les images qui étaient prises dans d'autres filiales, c'était « nous allons transposer par des cascades ». Il a fallu prendre en compte le temps, l'appropriation nécessaire par chacun, donner de l'intelligence au temps. L'infusion d'une vision se fait à son rythme, librement et de manière différente, selon les endroits, selon les lieux, selon les contextes. Il n'y avait pas une solution unique, la modélisation n'était pas pertinente dans ce processus de transformation. L'image de l'infusion a permis justement de faire comprendre à tout un comité de direction les principes de transmission d'une volonté institutionnelle vers son corps social. Et là, il s'agissait de créer les conditions pour que la transformation de l'entreprise puisse avoir lieu. Troisième notion que je trouve magnifique, c'est celle du Wu-Wei. Alors là, on est dans un autre monde, un autre univers. Ça n'existe pas dans notre langage. Là où la Grèce voue un véritable culte à l'action et au culte du héros, et encore dans notre modèle, le maître mot de la Chine, je ne sais pas si c'est un maître mot, mais en tout cas c'est un mot récurrent, le non-agir. Le non-agir est, voilà, pour le sage, c'est un point d'appui important, totalement incompris dans notre culture. Ce concept est associé à renoncement, au désengagement, à la passivité. Il ne trouve pas d'équivalent dans nos langages et dans nos représentations. Il s'agit là donc de créer, d'innover et d'élaborer un savoir sur le savoir ne pas agir. Vous savez faire ça? On va faire ça ensemble. La formule, si bien traduite par François Julien, « ne rien faire », de sorte que rien ne soit pas fait, heurte notre pensée aristotélicienne et semble relever de l'absurde pour nous. Comment accepter dans le monde du conseil du non-faire? En effet, dans notre métier, le courant anglo-saxon qui domine notre marché nous abreuve de concepts marqués par les suffixes « ing ». Alors « ing », c'est quoi? C'est « re-engineering », ça a été fantastique. C'est l'art de tirer sur les pouces. Benchmarking, restructuring, bon, toutes ces notions sont devenues clés dans nos organisations. Il y a de grandes douleurs encore vivantes dans certaines d'entre elles. Être un homme d'action, quoi de plus prestigieux? Pourtant, toutes ces techniques s'appuient sur des effets de forçage. Et même avec la mobilisation ou de l'accompagnement du changement, au fil du temps, les collaborateurs en sont épuisés. Ils ne sont plus en mesure de les accepter. Nos entreprises, atteintes d'hyperactivité, peut-être par effet mimétique, semblent en permanence défier le temps. Cette intelligence du temps a disparu, est en train de disparaître. Y a-t-il une menace? Question qu'a posée l'un de nos intervenants hier. L'action est une course contre le temps. On voit les effets d'implosion qui sont en train de naître de cette situation. La simple observation de la façon dont les entreprises mènent leur opération de fusion est emblématique. Vous ne savez pas peut-être, mais les experts nous disent que 61% des fusions sont vouées à l'échec. Pour des champs qui font de l'économie, qui sont chargés de créer de la valeur, c'est vraiment un constat assez désolant. Pour nous aider à comprendre le non-agir de la culture chinoise, François Julien nous renvoie à la parabole chinoise racontée par Mencius. En effet, la pensée chinoise est irriguée par la pensée du paysan, par la pensée de la terre. Un paysan rentre chez lui le soir, tout le monde connaît cette histoire, mais bon, je la re-raconte parce qu'il faut la connaître, et la répéter, la recommenter. Il rentre chez lui le soir et dit à ses enfants, « Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé. J'ai tiré sur les pousses de mon champ. C'est évidemment fatigant de tirer sur toutes les pousses, les unes après les autres. Mais que trouvent les enfants quand ils s'en vont au champ? Un champ desséché où toutes les pousses sont mortes. Combien d'entre nous, responsables d'entreprise, tirent sur les pousses toute la journée? Ah, méthode de diagnostic à inventer. Pourtant, en voulant agir sur la poussée, nous allons à l'encontre du processus. La poussée a une énergie propre, contenue dans la graine. En tirant sur la plante, nous ne respectons plus le processus spontané. Et si nous restons au bord du champ regarder les plantes mûrir et grandir, ce n'est pas non plus suffisant. Il faut biner, sarcler, arroser autour de la graine pour laisser advenir la pousse. La Chine nous donne une leçon de l'action, qui est le bon sens, même pour tous les paysans. Pour faire mûrir, pour créer donc les richesses, il ne faut ni regarder, ni tirer sur les pousses, il faut laisser faire, sans délaisser. François Julien a ouvert de nouvelles perspectives, en fait, dans son ouvrage « Traité de l'efficacité », qui est maintenant un best-seller du management. Il a ouvert de nouvelles voies d'efficacité et un regard complémentaire sur les pratiques. Nous sommes loin de l'action qui, en Occident, est la seule qui met en mouvement. L'équivalence de cette parabole dans le monde de l'entreprise nous ramène au travail de la sociodynamique et la compréhension des ressorts du corps social. Le corps social a une énergie propre dont le potentiel doit être mis pour nous, au service de la transformation. C'est là que se trouve tout l'écart entre les praticiens du changement et les praticiens de la transformation. La clé de succès de la transformation d'entreprise est le point d'appui sur le corps social. Pour obtenir cette transformation, il ne faut ni un excès de volontarisme, ni passivité. Il faut tirer parti des tendances à l'œuvre dans le corps social et les exploiter à plein régime. Lorsqu'on installe des dispositifs d'écoute, par exemple dans l'entreprise, on n'est pas dans l'agir. Et pourtant, en faisant cela, on crée déjà une pente. On prépare le terrain. Nous avons mis en place ce dispositif d'écoute pour un client qui devait, chose simple, orienter sa distribution vers une logique multicanale. Trivial, mais c'est compliqué dans une institution, dans une organisation, notamment en développant davantage les ventes sur Internet. L'écoute des collaborateurs sur la perception de leurs craintes, de leurs attentes, on a là développé un potentiel de situation à partir desquelles on pouvait commencer à agir d'une façon bien plus économique. Une question qui leur semblait lointaine est peu à peu devenue une évidence. Qu'il fallait développer un canal d'Internet. Voilà. La décision vient par évidence. Qu'attendait donc la direction générale pour le faire? Tout le temps dédié à l'écoute avait été mis au profit pour clarifier l'ambition de son développement et lancer le projet dans des conditions beaucoup plus favorables. Quatrième point, rapport entre volonté et ténacité. C'est bien torturer l'esprit sur cet écart. Les ressorts de l'action. Apprendre à créer les conditions, à exploiter le potentiel de situation, c'est aussi apprendre en quelque sorte à lâcher prise, à ne plus tout maîtriser. C'est très inquiétant de ne pas tout maîtriser. Sommes-nous prêts à cela dans notre culture occidentale? Notre société valorise au plus haut l'action, conséquence de la volonté individuelle. Vous l'avez bien mis en évidence. Et cette volonté est au fondement même de notre pensée, de notre philosophie, de notre échelle de valeurs. Comme l'écrivait François dans notre revue, « Je suis grand à la proportion de la volonté qui m'anime. » C'est bien ça, François? « Ma volonté est la source de mes actions. Je veux et j'agis. » Or, le chinois classique n'a pas de terme pour dire « vouloir ». Parle sous le contrôle des experts. Hein. Je ne parle pas chinois. On fait ou on ne fait pas. point. Et la décision de faire ou de ne pas faire n'est pas l'objet d'une volonté. Elle est une inclinaison progressive, semblable au processus de la poussée végétale dont nous parlions tout à l'heure. La détermination de l'action se fait par les facteurs ambiants. Il s'agit de partir de la situation et de conditionner ces situations afin qu'en découle naturellement l'effet. C'est l'exemple de l'immersion totale en vue de l'apprentissage d'une langue étrangère. On n'apprend pas la langue parce qu'on le veut, mais parce que cela se fait par un processus. La Chine n'envisage pas l'action comme une notion isolée, qui a un début et une fin, mais plutôt comme un processus, dont la conduite se pense en termes d'infléchissement, d'ambiance, de prégnance. Ce que nous appelons volonté ne serait en réalité que la sélection par inclinaison du meilleur des possibles qui se présente à nous. Là où nous parlons de volonté, la Chine parle de ténacité. Cette découverte, ce vide laissé par la volonté, nous a amené à repenser au fond, pour nous, quel usage opérationnel, comment on peut l'inclure dans nos pratiques. Grand sujet de transformation aujourd'hui pour l'entreprise, c'est le travail sur le leadership. Il faut créer des leaders et il faut transformer les leaders. Car aujourd'hui, le développement de nos entreprises sont contraintes aussi par cet effet. C'est un thème donc clé dans les stratégies de développement. Beaucoup de nos clients s'interrogent sur leur modèle de leadership et le développement de leur manager. Mais qu'est-ce qu'un leader ? Voilà un chantier qui est à ouvrir. Un homme exceptionnel, qui existe par l'éclat de ses actions. Un homme qui, par sa volonté et sa volonté seule, sauve l'entreprise d'une situation catastrophique ou l'amène à des conquêtes appréciables. Un homme dont l'aplomb et la certitude impressionnent, ou le héros narcissique centré sur lui-même. La pensée chinoise nous invite à penser nos modèles de leadership à partir d'un autre point d'appui, le sage. Quel est le propre du sage ? Objet de la reconnaissance sociale dans ces lieux-là. Je ne sais pas si ça l'est encore. Il ne s'arrête pas à sa grandeur. Il est toujours dans la disponibilité et ne devient pas statue. Il n'est pas idolâtre de lui-même. Il n'est pas fixé. Le sage transforme en permanence sa grandeur pour que l'énergie poursuive son action. Il est dans le courant de la vie. De même, le dirigeant doit rester évolutif, se penser évolutif. Le leadership du sage et sa capacité à amener ceux qui l'entourent à l'autonomie, à développer des leaders, à faire que ses disciples le dépassent. Nous ne cherchons pas des leaders héros auxquels on pourra vouer un culte. Nous souhaitons des leaders qui s'effacent, qui sont en retrait. Ça, Jean-Christian Fauvet nous l'a transmis. Des leaders dont l'objectif est avant tout de faire fructifier les talents, les compétences et les initiatives au service du bien commun. Entre les deux identités, je ne sais pas si on peut parler d'identité, sage et héros, il y a matière pour chaque entreprise à travailler sur la transformation de leur modèle de leadership. Nous y travaillons. La mise en perspective de la notion de volonté nous a également amené à revoir notre façon de piloter la transformation. Certes, nous gardons le cap de la transformation avec ténacité. Les leaders que nous accompagnons tiennent bon dans la tempête, et les tempêtes, il y en a et il y en aura, et ne perdent pas de vue la destination vers laquelle ils veulent emmener leur équipe et leur entreprise. En revanche, ils restent flexibles et savent s'adapter aux événements, au contexte et aux contraintes qui viennent de l'extérieur. Et là, troisième point, c'est le jeu de Go. Le jeu de Go est au fond, pour moi, depuis de nombreuses années, la façon de faire entrer nos clients, nos consultants dans, je dirais, une démarche autre. C'est un détour. En filigrane de tous ces concepts, bien évidemment, le jeu de Go, pour les puristes, c'est le Weishi. Bien ça. Nous permet, au fond, de silencieusement faire entrer nos clients dans la pensée chinoise. dans la pensée asiatique. Alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de Go, le jeu de Go est un jeu millénaire qui symbolise l'essence de la pensée chinoise. Je parle du leadership. L'empereur Shun, d'après la mythologie, l'aurait inventé il y a 4300 ans pour apprendre à son fils à gouverner. Pour un novice, ce jeu pourrait s'apparenter à un jeu d'échecs. On a des planches et des pions. Si présent dans notre culture occidentale. Or, il n'en est rien. En termes d'écart, c'est intéressant aussi. Échecs et Go sont le reflet de deux approches opposées du rapport à l'autre et à la conquête. Le jeu d'échecs fait le choix d'une stratégie directe, avec l'affrontement de deux armées de chaque côté de l'échiquier, avec un système hiérarchique qui est bien défini. Il met en valeur la dualité et le fait que les contraires s'opposent et s'éliminent. Emblématique de la pensée occidentale, ce n'est pas un jeu occidental, mais bon, on l'a assimilé, il est fondé sur l'opposition du bien et du mal. La victoire vient de la capture du roi. A l'inverse, le jeu de Go véhicule l'idée d'une stratégie indirecte, d'une conquête progressive et continue de l'espace. Alors l'espace pour nous, c'est la conquête des marchés, bien évidemment. Hein, c'est le développement des valeurs institutionnelles au sein du corps social, qui se fait en posant tranquillement des pierres de valeur égale. Des pierres blanches et des pierres noires symbolisent le yin et le yang. Le Go symbolise le cercle tourbillonnant des contraires où les contraires coexistent et se nourrissent. La victoire dépend du territoire, je dirais, maximisé. En faisant vivre à nos clients l'expérience du jeu, tranquillement, sans révéler en fait, nous faisons naître chez eux des éléments, on installe une empreinte de la pensée chinoise, sans la conceptualiser, sans en faire une connaissance. Nous laissons progressivement de nouvelles pratiques s'installer de façon ludique. Ils en rient, ils s'amusent, ils discutent. Ainsi, après l'expérience du jeu, nous leur transmettions la conviction que l'action spectaculaire n'est pas nécessairement la plus performante et qu'il est souvent plus pertinent de réaliser une multitude de petites actions à l'image des pierres de valeur égale posées sur le damier, connectées les unes aux autres et portées par justement un dessin, une vision. Au fond, le dessin, la vision apporte quoi dans le jeu? Ça apporte l'initiative. Au fond, ce qui est plus stratégique dans le jeu de Go, c'est de ne pas perdre l'initiative. Celui qui n'a pas de dessin, eh bien, perd souvent l'initiative parce qu'il joue le jeu de la force adverse. Il répond et il consolide, je dirais, la position adverse. Ce jeu n'étant pas porté par le coup modélisation-action si cher à l'Occident, le joueur est ainsi forcé à changer de modèle de pensée. Il ne cherche dès lors plus à élaborer une forme idéale, ce n'est pas possible. On n'a pas pu modéliser le jeu encore. Il s'attache à détecter dans la partie en cours les facteurs favorables. Il s'appuie sur le potentiel de la situation né du contexte pour construire son territoire et il se nourrit aussi de l'énergie de la force adverse. Les contraires coopèrent. Le jeu de Go nous apprend le moment occasion. Ah, passé le moment, la partie peut totalement bousculer. Nous apprend à saisir l'opportunité ici et maintenant. Ce jeu nous exerce à la complexité. Dans l'expérience du jeu, nous pouvons faire expérimenter à nos clients la pensée chinoise en l'œuvre sur le damier et par analogie sur les territoires sur lesquels l'entreprise amorce sa transformation. Ce jeu fait émerger auprès de nos clients, au fond, pas seulement chez nos clients, mais dans des situations, les concepts qu'on peut faire émerger de compétition créative. C'est très difficile pour nous de penser simultanément qu'on puisse être concurrent et allié. Et pourtant, on peut créer des richesses dans des modèles de compétition. Piste de développement stratégique pour nos entreprises. Il permet alors d'inspirer des stratégies de coexistence et d'occupation de différentes parties du damier de l'entreprise ou, par extension, sur d'autres domaines. En élaborant des stratégies des alliés, là aussi emprunt au savoir de la sociodynamique. En prenant l'énergie de leur écosystème. Ainsi, au travers d'un projet responsabilité sociale et environnementale, Nous avons fait travailler ensemble les acteurs économiques concurrents du Nil. L'enjeu était de créer une île sous tension. L'enjeu était de créer un environnement où toutes les parties prenantes ont leur rôle et contribuent à la croissance économique de l'île. Sans quoi, il y a problème de destruction de valeur pour toutes les parties, concurrents inclus. Pour mobiliser l'ensemble des dirigeants, on a commencé tranquillement par la pratique du jeu de go. Il fallait voir que les conditions étaient propices pour moi, puisqu'il y a une très forte communauté asiatique dans cette île. Ça réactivait leur conscience de leur identité par ailleurs. Cela a fait émerger la pertinence de coopérer pour faire évoluer le système, faire évoluer l'écosystème économique de l'île où tout est interdépendant et dynamique. Après avoir joué au go, différents dirigeants sont mieux prédisposés à penser à travers le mode de raisonnement chinois et son mode d'action. La pensée de François Julien vient alors consolider en apportant la conceptualisation et la connaissance nécessaires pour le renforcement, pour l'ancrage. Alors en conclusion, à travers ces cinq pierres posées sur le damier, dans un éditorial récent, un journaliste anglo-saxon, Martin Sandou, rédacteur économique du Financial Times, affirme que lire la philosophie, un anglo-saxon qui dit ça, c'est formidable, est l'un des meilleurs investissements que puisse faire le manager aujourd'hui. La philosophie aiguise l'esprit. Il invite donc tous les dirigeants managers à avoir le courage de dialoguer, le courage, dit-il, de dialoguer avec les philosophes et de suivre leurs pensées où qu'elles puissent les mener, champ du possible. Oui, la philosophie est un investissement utile à la pensée managériale, à la pensée d'entreprise. Elle ouvre des perspectives d'innovation et de création de valeur dont nous avons tant besoin. J'invite donc les managers et les dirigeants à lire François Julien. Merci beaucoup.